La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, nom de code ADA. En fait, ADA était son prénom, pas son nom. Son nom, c'était Lovelace. Elle naquit le 10 décembre 1815 à Londres, fruit, si l'on peut dire, mais on n'est pas des arbres, de l'union du poète Lord Byron et de son épouse Annabella Milbank, une aristocrate érudite surnommée la princesse des parallélogrammes par son mari. Prise de passion pour les mathématiques, elle rencontre Charles Babbage, qui vient de concevoir une machine à calculer révolutionnaire, qu'il appelle la machine analytique. C'est en voyant les plans de cette machine qu'ADA eut l'intuition de ce qui deviendra l'informatique. En 1842, elle écrit le premier programme informatique. Morale provisoire de cette histoire, le premier codeur de l'histoire fut une codeuse. Anna Lovelace mourut le 27 novembre 1852 d'un cancer, à l'âge de 36 ans. Elle fut enterrée selon son désir près de son père, mort lui aussi à 36 ans. Charles Dickens, qui avait été son ami, lut un texte devant son cercueil. Mais quelle fut exactement la trajectoire d'ADA ? En quoi consiste précisément son œuvre ? Et en Angleterre, à l'ère victorienne, quel genre de femme était celle qui faisait des mathématiques ? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Catherine Dufour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure en informatique et vous venez de publier un livre intitulé « ADA ou la beauté des nombres ». Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que ADA Lovelace, qui était donc la fille de Lord Byron, a été, dans l'inconscient collectif, mise dans l'ombre de la lumière de son père ? Oui, c'est toujours le problème des fils et filles d'eux, comment sortir de l'ombre d'un père aussi célèbre que Byron. Puisque Byron, ça a été vraiment la première rockstar. Il avait 25 ans, il était beau, il était noble, mais il était assez pauvre, voire ruiné. Et il a écrit un poème, Childe Harold P. Grimage, dont il ne savait pas trop quoi faire. Il l'a donné à lire à un éditeur et le lendemain, il s'est réveillé célèbre. Et d'une célébrité très à la Beatles. C'est-à-dire Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce poème de si spécial pour déclencher une telle passion ? Il a inventé quelque chose qu'on connaît maintenant, c'est le bad boy. Avant, vous aviez deux types de Don Juan. Vous aviez le Don Juan, qui est un bon vivant et qui, ma foi, pourfend ses ennemis et puis après attrape des femmes pour les pourfendre d'une autre façon. Vous aviez aussi le Don Juan cruel, pervers, à la Valmont, qui manipule les femmes avec cruauté. Et lui, il a inventé le bad boy, c'est-à-dire le Don Juan qui sanglote et qui séduit parce qu'il sanglote et qui sanglote parce qu'il séduit. Et tout le monde s'est engouffré dans la brèche après. En France, on a eu Musset, on a eu énormément de succès d'années de Byron, mais c'est Byron qui a créé le premier ce personnage du beau jeune homme tout vêtu de noir qui a les cheveux qui volent au vent et qui médite sur la cruauté du monde pendant que les femmes meurent à ses pieds. Et elles sont toutes venues mourir aux pieds de Byron. Aujourd'hui, en France, il y a un débat sur la séparation entre l'artiste et l'œuvre. Mm-hmm. Mais si on n'avait pas fait cette séparation à propos de Byron, ça aurait donné quoi ? Il a quand même une vie privée assez tumultueuse. Alors oui, bah, il finirait, j'allais dire, en prison, comme Roman Polanski, parce qu'il avait tendance à l'arrêter totalement bisexuel. Ce qu'il y a de véritablement criminel dans son comportement, c'est effectivement sa façon d'aller, ça se faisait déjà, dans des pays lointains. En l'espèce, il est allé au Moyen-Orient pour sodomiser des petits garçons. En Angleterre, qui était un pays moins accessible à ce genre de crimes, il avait tendance à multiplier les conquêtes féminines. Mais il avait besoin de piment dans ses conquêtes féminines. Il aimait bien les petites jeunes filles qui se déguisaient en pages. Et il aimait bien aussi le fruit interdit. Notamment, il a couché avec sa demi-sœur Augusta. Ce qui était une tradition de famille. Hein. Déjà, son propre père avait couché avec sa propre sœur. Et d'ailleurs, Augusta a épousé un des fils de cette sœur. Ce qui donne un arbre généalogique cocasse. Quoique un petit peu gênant. D'ailleurs, vous citez une phrase d'André Mauroy, je crois, à propos de la généalogie. Vous dites « Il semblait qu'on eût pendu des gorgones de Gaïte à toutes les branches de leur arbre généalogique ». Oui, c'était alors Byron à la confluence de deux grande famille très très noble, les Byron et les Gordon de Guyte. Gordon de Guyte, c'est sa mère. Et effectivement, à l'époque, être noble, ça consistait pas à mettre des perruques poudrées et à aller à la cour. Les nobles, c'était les guerriers. Voilà. Donc, plus vous étiez féroce, c'est Bataille qui en parle très bien. La noblesse, à cette époque, c'était une violence qui ne se connaissait pas de limite et qui ne voulait pas s'en connaître. Alors, comment s'est faite la rencontre entre Lord Byron et puis celle qui deviendra la mère d'Ada Lovelace, qui est Annabella Milbank, qui était une aristocrate, si j'ai bien compris? Alors, c'était une aristocrate d'aussi bonne famille que Byron. Férue de science. Férue de science, voilà, c'était une surdouée. Elle était tellement douée dans ses études que ses parents lui ont embauché un professeur de Cambridge et elle a suivi tout le cursus cambridgien sans aller à l'université, bien sûr, parce que c'était interdit. Et puis ensuite, au moment de la saison, c'est-à-dire vers 17-18 ans, on sortait les petites jeunes filles de sous leur cloche et on les envoyait dans le monde. Le monde, c'était quoi, 4000 personnes. Ce que Byron appelait les 4000 personnes qui sont encore debout quand tout le monde dort. Et donc là, vous alliez dans des salons, vous alliez dans des bals, il y avait le très célèbre Almax, vous alliez dans des conférences, des discussions, il y avait des séances poétiques, des séances de musique, et vous essayiez de trouver chaussures à votre pied. Et Annabella se sentait assez au-dessus et à côté de cette société qui était totalement futile et frivole. C'est un métier, la frivolité, c'était vraiment pas sa tasse de thé. Et elle a remarqué un petit jeune homme qui avait aussi tendance à se tenir à l'écart, dans un diadème de jeune fille, mais qui se tenait quand même à l'écart, c'était Byron. Pour cause, par force, Byron était boiteux. Donc, quand tout le monde dansait la valse, il était bien obligé de rester sur le côté de la piste, en prenant des airs douloureux. Et cette solitude lui a plu à Annabella. Et elle a parlé ensuite avec ce jeune homme. Ils se sont entendus sur le fait qu'ils méprisaient tous les deux cette société frivole. Et Annabella a vraiment eu l'impression avec Byron de ne plus être seule. Elle s'intéressait pas du tout à la misogynie de Byron. Byron disait à une femme, donnez-lui un miroir et quelques bonbons, elle sera contente. Annabella estimait qu'elle était au-dessus du lot, donc ça ne la concernait pas, malheur à elle. Et il lui a fait une demande en mariage. Hein. Il cherchait une riche héritière pour consolider les murs de son château. Et elle a refusé. Et puis ensuite, elle s'est mise à lui écrire sous prétexte de sauver son âme pécheresse. Et deux ans plus tard, il a renouvelé sa demande et là, elle a accepté. Et il lui a fait vivre un enfer tout de suite. Hein. Dès le voyage de noces, il lui a dit « Ah, je n'aurais jamais dû vous épouser ». Il lui a laissé sous-entendre qu'il était fou amoureux de sa demi-sœur. Il lui a dit « Ah ah, j'étranglerai notre enfant quand il naîtra ». Enfin voilà, c'était un beau cas de harcèlement conjugal. Elle a tenu un an. Un des plus gros problèmes était bon le fait que Byron était parfaitement détestable avec elle, le fait qu'il buvait énormément, qu'il prenait énormément d'opium, qu'il passait son temps au théâtre à coucher avec des actrices et probablement avec des acteurs. C'était pas un mari idéal, mais elle essayait de faire avec, elle recopiait ses poèmes comme une bonne épouse doit le faire. Mais le pire, c'est que Byron était endetté et surendetté et que régulièrement, il y avait des huissiers qui débarquaient chez eux dans leur joli appartement de Piccadilly Terrace pour prendre un meuble, deux meubles, trois meubles. Il y avait d'ailleurs un huissier qui couchait à domicile tellement il était endetté. Et à la fin, perdu dans cet appartement où il n'y avait plus un seul meuble, Annabella s'est retrouvée enceinte. Et la grossesse a dû être pénible. L'accouchement a probablement été abominable puisque, alors il y a plusieurs légendes, on dit que Byron s'amusait à tirer à balles réelles sur des bouteilles dans la chambre contiguë à celle d'Annabella pour, alors, soit l'empêcher de dormir la nuit, soit couvrir les plaintes de l'accouchement, on sait pas, mais enfin l'ambiance n'était pas chaleureuse. Et ce que, voyant, Annabella a pris son bébé et a sauté dans sa valise et est rentrée chez ses parents. Ça, c'est une version de l'histoire. L'autre version, c'est que c'est carrément Byron qui finalement regrettait ce mariage. Il s'apercevait que c'était un boulet à sa patte. Il avait davantage envie d'aller voyager tout seul que de se promener, de rester en Angleterre en famille. Et je suis certaine d'ailleurs, qu'il a fini par lui demander très poliment, écoutez, vous devriez peut-être aller passer votre lendemain de couche et votre père et votre mère. On se reverra un peu plus tard, prenons un peu de distance. Bon, tout le fameux... c'est pas toi, c'est moi, mais je crois vraiment qu'il faut qu'on mette un peu de distance entre nous deux. Voilà, donc Annabella est partie avec son bébé, donc Ada, qui s'appelait Augusta Ada. Mais le Augusta a sauté très vite, vu qu'Augusta, c'était le prénom de la maîtresse de Byron, qui était aussi sa demi-sœur. Mais Ada, c'était un prénom commun ? Non, c'était pas un prénom commun. Byron a dit qu'il l'avait choisi parce qu'il était ancien et vocalique. Son meilleur ami d'ailleurs, a dit « Ah non, Hobby ». A dit « C'est parce que c'était un prénom utilisé dans la famille Byron en 1200 ». Alors, on ne sait pas, mais en tout cas, Byron a décidé que c'était très joli. Et évidemment, le Augusta, dès que Annabella a été maîtresse d'elle-même et de sa fille, le Augusta a disparu dans un gouffre et le Hadas l'est resté. Mais Byron a une autre image, il a celle d'un libérateur, d'un révolutionnaire, de quelqu'un qui se bat pour l'indépendance. Oui. En tant que lord, il a plaidé à la Chambre des Lords pour défendre les ludites, ces ouvriers qui cassaient les métiers à tisser, qui devenaient automatiques et qui empêchaient qu'ils trouvent du travail. Exactement. Et donc, est-ce qu'il y a un lien entre les métiers jacquards, qui sont justement une sorte d'ancêtre programmé des métiers à tisser, et puis ce qui va devenir l'informatique. Est-ce que ça a joué un rôle dans la formation de Ada Lovelace ? Ah mais oui, mais complètement. Mais en fait, tous nos ordinateurs viennent de ces métiers à tisser jacquard. Donc en fait, c'est des métiers à tisser qui fonctionnent avec des cartes perforées. Et ces cartes perforées, on les retrouve dans nos ordinateurs jusque dans les années 70. Tous les informaticiens connaissaient les cartes perforées. Ça vient directement de là, bien sûr. Alors qu'est-ce qui a fait que Ada s'est intéressée aux mathématiques ? Moi, j'ai lu que sa mère... l'avait poussée vers les sciences, vers ce type d'éducation, pour empêcher qu'elle devienne poète comme son père. Voilà. Est-ce que les sciences avaient à cette époque la réputation d'empêcher qu'on devienne poète ? Les jeunes femmes de battre la campagne, oui. J'ai plutôt l'impression que les sciences avaient la réputation de rendre les femmes malades quand elles étaient pratiquées de façon trop intense. De façon trop intense. Alors, il faut savoir que les mathématiques... Pour nous, c'est un signe de pouvoir. Quand on est bon en mathématiques, on fait des bonnes écoles, on a des beaux postes avec des beaux salaires. Alors à l'époque, pas du tout. À l'époque, on gagnait sa vie très bien partout ailleurs que dans les sciences. Je sais pas, aux colonies, dans la marine, à la cour, dans les manufactures, où vous voulez, mais pas grâce à la science et certainement pas grâce aux mathématiques. Donc c'était en fait une science qui était réservée à quelques gentlemen of leisure, donc des gens qui avaient les moyens de ne pas travailler et de faire ce qui bon leur semblait. Et c'était aussi réservé aux ouvrages de dames. Dans les ouvrages de dames, vous aviez des patrons pour faire du tricot, et puis vous aviez des petits problèmes de mathématiques. Et toute cette partie mathématique a été retirée aux femmes quand les mathématiques se sont révélées de plus en plus indispensables pour faire des sciences. Parce qu'à l'époque, on voyait pas tellement le lien entre les mathématiques et les sciences. Un inventeur génial qui est Faraday, qui est anglais, qui vit à l'époque d'Ada, il est un peu plus vieux qu'elle. Mais c'est un type génial, il a inventé... Autodidacte et génial, il y a toutes sortes de lois physiques qui portent son nom. Tout à fait, il y a la loi de Faraday, il y a le théorème de Faraday, il y a les fameux... Il y a la cage. De Faraday, il y a le Farad, enfin... Et Faraday était totalement autodidacte, il ne parlait pas un mot de maths, il ne parlait pas non plus un mot de physique, et il éprouvait une jubilation quasi malsaine à réaliser qu'il pouvait faire des découvertes mieux que n'importe qui sans parler un mot de science. Ça s'est normalisé, on va dire, dans le cours du 19e siècle. Alors comment se passe l'éducation d'Ada ? Qui voit-elle ? Comment se forme-t-elle ? Est-ce qu'elle va dans les salons scientifiques, par exemple ? Alors, quand elle est petite, elle a l'éducation abominable de son époque. C'est une époque de pédagogie noire, où on estime que tout ce qui fait du mal à l'enfant, c'est pour son bien, et tout ce qu'on lui fait pour son bien, c'est mal. Bon, il y a un exemple qui est assez célèbre, qu'on trouve dans Jean Rey, où il y a une petite de la famille, doit aller se promener un dimanche après-midi, il y a une petite jeune fille qui on lui dit « Est-ce que tu veux aller à la... » à la clairière ou dans la forêt, elle dit « Oh, moi, je préférerais aller dans la clairière. » Donc, du coup, on va dans la forêt pour lui faire le caractère. Voilà. Les enfants étaient systématiquement contrariés pour leur faire le caractère. C'était extrêmement malsain. Donc, elle a vécu cette éducation extrêmement pénible. Alors, elle était pénible psychologiquement, parce que non seulement vous contrariez en tout, mais en plus, tout ce qui était, ça c'est Ariad Martineau qui le dit très bien, tout ce qui était douceur et affection et tendresse était considéré aussi comme néfaste pour l'enfant. Et par là-dessus, il y avait aussi l'éducation physique, si je puis dire, la façon dont on vous traitait, enfant. Donc, pour un enfant, il fallait pas d'eau pour boire et pour se laver, il fallait pas de soleil, il fallait pas d'activité physique, il fallait pas de fruits et puis il fallait pas de légumes. Donc vous étiez nourri aux biscuits, à la viande, à l'ombre, sans activité physique. Donc les gens arrivaient à l'âge adulte systématiquement plein de carences et avec une santé définitivement détruite. Et c'est ce qui arrivait à Ada. À côté de ça, elle tient le journal de ses maux physiques avec une très grande précision. Oui, oui, oui. Et ben, je crois que comme ils souffraient tout le temps, ils étaient très consacrés focaliser dessus. Et d'ailleurs, vous retrouvez ça aussi pas mal dans... C'est Stendhal, qui un jour raconte ce qu'il ferait s'il trouvait, alors c'est un anneau, non, on pourrait dire une baguette magique. Donc, quels seraient ses trois premiers vœux s'il trouvait une baguette magique? Et alors, bon, le premier, bien sûr, c'est comme d'habitude, une largeur péniche, il demande à ce que sa mantule soit plus grande et plus grosse, ça n'a pas changé. Mais le deuxième vœu, c'est de n'être malade que 3 jours par an. C'est-à-dire que ces gens-là étaient tellement malades tout le temps que Stendhal n'imaginait même pas un monde auquel nous, on est plus ou moins habitués, qui est de ne pas être malade. Il souffrait tout le temps, de partout, et notamment des dents. Donc au milieu de cette enfance pas drôle, Ada a quand même eu droit, parce que sa mère était une lettrée, à une éducation très fine de lettrée, sauf bien sûr la poésie, parce que sa mère se méfiait de la poésie qui lui avait volé son mari. Et elle est arrivée à 16-17 ans, la sortie de sa cloche, et plouf, on l'a mis dans les salons londoniens pour qu'elle trouve bien sûr un mari à son pied. Mais en Angleterre à cette époque, il y avait quand même quelques femmes mathématiciennes, ce qui n'était pas vraiment le cas en France. En France, il y a l'exemple de Sophie Germain qui a dû se faire passer pour un homme pour que ses travaux soient pris en considération par les mathématiciens. En Angleterre, il y avait plusieurs femmes mathématiciennes. Oui. Comment expliquer cette différence entre la France et l'Angleterre de ce point de vue? Parce que c'est la Révolution française qui a joué un rôle en France. Voilà, alors la Révolution française, on dit que ça a été amené par les femmes, par les salons tenus par les femmes, les salons des Lumières. Et comme il y a eu un retour de bâton après la Révolution française, on a renvoyé les femmes à la maison à grands coups de code civil rédigé par Napoléon, qui était d'une misogynie hystérique. Donc effectivement, les femmes ont vu tout d'un coup... Pardon. En France, l'accès coupé à toute forme de, et pendant, pour un siècle, l'accès coupé à toute forme d'apprentissage, et notamment scientifique. Alors qu'en Angleterre, ils n'ont pas eu la Révolution française, et ils n'ont pas eu Napoléon, ni ce code civil. Donc les femmes avaient plus de latitude pour étudier. Cela dit, elles n'étaient pas admises à l'université non plus. Mais les femmes qui, les ladies of leisure, celles qui n'avaient pas besoin de travailler pour vivre, pouvaient, si elles le souhaitaient, se tourner vers les sciences. Et ça a été le cas, effectivement, de grandes mathématiciennes comme Mary Somerville. Qui était la tutrice d'Ada. Qui a été une des tutrices d'Ada, oui, oui. Donc c'est une femme. Alors elle a commencé par épouser un monsieur Fairfax qui détestait les bas bleus, c'est comme ça qu'on les appelait, ils viennent de là, les blue stocks anglais. Donc elle a étudié en cachette toute sa vie. Et quand elle travaillait son Euclide la nuit à la chandelle, donc du coup quand on a remarqué ça, on lui a volé ses chandelles. Alors du coup elle travaillait son Euclide... Le père de Sophie Germain a fait la même chose. Oui, ah bon. Je savais pas. J'ai appris ça récemment. Ouais. Donc, non, il fallait vraiment le vouloir. Mais si on voulait et qu'on s'accrochait très fort, on y arrivait. Et Mary Somerville, elle, dans la journée, elle avait soin d'avoir toujours un aspect très, très jeune fille comme il faut. Elle lisait bien tous les livres stupides qu'on lui donnait à lire. Elle était très polie, elle servait le thé. Et la nuit, elle s'acharnait à travailler. Donc elle a réussi à devenir une femme de science, mais elle a eu vraiment du mérite. Et effectivement, elle a accompagné Ada, parce qu'Ada a rencontré un jeune homme bien sous tout rapport. C'est un copain qui avait parlé à ce jeune homme en lui disant « Oh, cette jeune femme ferait une bonne épouse ». Donc il y est allé, il a dit « Oh oui, vous feriez une bonne épouse, voulez-vous m'épouser ?» Elle lui a dit « Oui, ça a pris un mois hein. ». Et peu de temps après, ça 3 enfants. Et peu de temps après, 3 enfants. À 25 enfants. Ans, elle a déjà 3 enfants. Elle a déjà 3 enfants, voilà. En fait, elle a fait un enfant, ça n'allait pas bien. Un deuxième enfant, ça allait très mal. Et son médecin lui a dit, pour aller mieux, faites un 3e enfant. Le remède a été pire que le mal. Et là, elle a décidé d'arrêter avec les enfants. Et elle s'est dit, il faut absolument que je me trouve une occupation. Parce que j'ai des désirs, des pulsions et des impulsions qui j'ai envie de me réaliser moi-même. Et intuitions. Et des intuitions. Et elle a écrit à un ami de sa mère, un mathématicien nommé King d'ailleurs, rien à voir avec son mari, Lord King, qui lui a dit, oui écoutez, faites des maths, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour lutter contre les pulsions sexuelles. Et il lui a envoyé un cours de Cambridge. Et elle s'est mise dessus. Elle a avancé très vite. D'ailleurs, au bout d'un moment, King était totalement dépassé. Du coup, c'est Mary Somerville qui a pris le relais pour aider Ada à avancer en mathématiques. Et ça lui a permis de se hisser à un niveau suffisant pour comprendre un mathématicien comme Babbage. Donc vous voulez dire qu'elle a commencé à faire des mathématiques sérieusement assez tard finalement, après 25 ans? Oui, après 25 ans. Mais rapidement, elle a appris très très vite. Elle a appris vite, elle a appris chez elle. La Loveless, ça fait la Vélos. Voilà. On arrivera là. Joli. Et donc elle va rencontrer le fameux Charles Babbage. Oui. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est Mary Somerville qui lui présente? Alors, Charles Babbage, donc c'était un polymathe, on disait ça comme ça, c'est une espèce de puits de science. C'était un petit génie des mathématiques. Et puis après, il a décidé de se tourner vers l'ingénierie. Il était passé par Cambridge. Il était passé par Cambridge. Tous les hommes de ce milieu et de cette époque-là passent par Cambridge, quel qu'il soit. Donc il sort de Cambridge, il est vraiment génial en mathématiques, et puis il s'est intéressé à l'ingénierie. Pourquoi ? Parce que quand vous vouliez faire des mathématiques, vous aviez besoin de faire des calculs, donc il fallait s'appuyer sur des tables d'addition, de multiplication, de logarithmes, etc. Et ces tables étaient truffées d'erreurs. Et Babbage, lui, ça l'agaçait. Babbage a passé sa vie à être agacé. Et il a décidé qu'il allait rédiger des tables sans erreur. Donc, il allait fabriquer une énorme machine à calculer. Et il a appelé ça l'engin à différence. Et de là, il a laissé tomber les mathématiques et il s'est plongé dans l'ingénierie. Il faut savoir, c'est une caractéristique de Babbage. C'est souvent une caractéristique des gens très doués. Il s'enthousiasme pour un sujet, il va au fond et puis tout d'un coup, hop, ça ne l'intéresse plus. Il change d'idée, il a une idée par jour, en fait. Voilà. Donc il a beaucoup d'idées, il invente beaucoup, mais il réalise très peu, finalement. Il a du mal à réaliser, d'autant plus qu'à chaque fois, il a aussi un défaut de caractère. Il veut être reconnu par ses pairs et il trouve qu'il n'est jamais assez reconnu. Il passera toute sa vie à grognonner et à récriminer. Il a un sale caractère. Il a un très sale caractère. Il dit du mal de tout le monde. Voilà. Il n'aime pas avoir des amis, finalement. Voilà. Et finalement, ça le desservira énormément et finira seul et plein d'acidité contre la terre entière. Et la dernière fois qu'il a essayé de négocier avec Peel, qui était le chef du gouvernement, pour avoir une rallonge de crédit pour mener à bien son moteur à différence ou son moteur analytique, l'entretien se passera extrêmement mal et il sortira en claquant la porte et en disant des mots définitifs. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il a essayé de rapprocher finalement le monde industriel qui était en pleine révolution à cette époque-là avec le monde de la science, monde académique, qui était à la fois ingénieur, à la fois chercheur. Oui. Mais à l'époque, les gens ne voyaient pas du tout. Nous, on voit vraiment des sphères très séparées entre les sciences exactes, les sciences pures, la technique, la technologie, l'ingénierie. Pas du tout. Enfin, à l'époque, c'était un simple ouvrier grave qui parlait le mieux l'assyrien ancien. De Morgan, tout en menant une carrière mathématique éblouissante, faisait tourner des guéridons pour contacter l'âme des morts. Les sciences étaient encore dans une espèce de pelote compacte en expansion permanente et il n'y avait pas toutes les distinctions qu'on fait actuellement. Il y avait un mélange de rationalité, de spiritisme, voilà, et d'autres choses de ce genre. Oui. Est-ce qu'on peut dire un mot de cette machine à différence de Babbage qui calculait non pas des différences, mais plutôt faisait des additions, qui étaient basées sur le principe suivant. Si on prend les nombres entiers élevés au carré, ça donne 1, 4, 9, 16, 25, etc. Et si on fait les différences 2 à 2 de ces nombres successifs, ça donne 3, c'est-à-dire 4 moins 1, 5, c'est-à-dire 9 moins 4, 7, c'est-à-dire 16 moins 9, et puis 9, qui est 25 moins 16. Et si maintenant on fait les différences de ces nombres 2 à 2, ça donne 5 moins 3 égale 2, 7 moins 5 égale 2, 9 moins 7 égale 2, enfin c'est toujours 2, voilà, qui est l'ordre auquel on a élevé le nombre en question. Et si on fait à nouveau les différences, ça fait 2 moins 2, 2 moins 2, 2 moins 2, c'est-à-dire 0 à chaque fois. Mm-hmm. Et c'est une propriété qui est vraie, quelle que soit la puissance à laquelle on a élevé les nombres entiers en question. Et ça permet de faire des calculs qui sont sûrs, finalement. Oui, ça permet effectivement... Le gros problème des mathématiciens, c'est qu'ils voulaient faire des calculs qui étaient complexes et ils avaient très exactement leur crayon et leur papier. Il n'y avait pas de machine. Alors, quand vous vouliez faire des calculs complexes, il fallait soit effectivement triturer les nombres, se rendre compte que plutôt que d'additionner 8 milliards 200 millions et 7 milliards 700 000, c'était mieux effectivement de jouer sur les différences de nombres qui étaient beaucoup plus manipulables. Ou alors, vous faisiez appel à des as du calcul mental. Il y en avait quelques-uns qui vous calculaient n'importe quoi en un quart de seconde, mais il n'y en avait pas assez. Et c'est pour ça que Babbage a mis au point sa machine à différence, qui effectivement, malgré son nom, ne fait que des additions, et qui en fait était sur une longue tige, imaginez des roues dentées qui tournent. Alors toutes ces roues sont numérotées, bien sûr, de 0 à 9. Hein, ce sont des tiges verticales sur lesquelles sont enfilées ces roues dentées. Voilà. Donc vous avez le premier centième qui est identifié sur une première tige, le dixième qui est identifié sur une deuxième tige, l'unité qui est identifiée sur la tige suivante, etc. Et ces roues dentées sont reliées entre elles par un système de poulies et d'engrenages, de telle sorte qu'à chaque fois que ça marchait pas du tout à la vapeur haute, ça marchait à la manivelle. Et donc vous pouviez additionner comme ça aisément des chiffres en lisant le résultat le long de la donc de, c'était vraiment de la tige. C'était vraiment une machine à calculer. C'était une machine à calculer. Alors il y avait déjà eu la pascaline de Pascal, il y avait eu celle de Leibniz, mais la belle idée qu'a eu Babbage, ça a été pour son moteur analytique. Ce que vous appelez le moteur, c'est ce que j'appelais la machine. Ah, machine, oui, pardon. Bon, c'est pareil, non? Oui. Quel est le mot anglais? Engine. Engine. Donc, on dit moteur, on dit machine, on dit engin. Bon, engin, l'engin voilà. Analytique. Oui, voilà, les traducteurs se sont beaucoup écharpés là-dessus. Pour son moteur analytique, Babbage a d'abord fait un moteur à différence, et puis il a passé des années dessus. Et puis, en 1834, il s'est dit, oh non, non, ça fait vraiment trop 1830, on va faire quelque chose d'encore mieux. La machine analytique, qui, elle, résout pas que des additions, qui va résoudre toutes les opérations. Mais celle-là, il l'a construite ou il l'a simplement conçue? Alors, il l'a conçue. Est-ce qu'elle était constructible? Alors, finalement, pas tellement. Parce que le problème de Babbage, c'est que justement, comme vous le disiez très bien, il est génial. Donc, il a une idée par jour. Donc, non seulement sa première machine faisait 25 000 pièces, il faut les usiner tout de même, mais en plus, tous les jours, il revenait avec de nouveaux plans pour améliorer sa machine. Donc, l'ingénieur qui était chargé de fabriquer ces 25 000 pièces mutantes a fini par jeter l'éponge et, disons-le tout net, de toute façon, Babbage s'est brouillé avec, comme avec tout le monde. Mais il a obtenu quand même, Catherine Dufour, un financement du gouvernement, je crois. Ah, oui. Puis il demandait des rallonges. Ah, oui. Et on a fini par lui dire, on vous paiera quand votre machine permettra de calculer la durée qu'il vous faudra pour la construire. Exactement. Il a touché d'abord 1 700 livres et puis, en 10 ans, il a fini par toucher 10 fois plus, ce qui représente quand même le prix de 2 navires de guerre. Et le gouvernement a arrêté, le chef du gouvernement a dit de toute façon, nous n'avons reçu pour nos 17 000 livres que les récriminations de M. Babbage, qui était bien sûr toujours en train de se plaindre. Mais ça se faisait souvent que l'État, enfin le gouvernement de l'époque, finance des recherches? Oui, ça se faisait. Alors ça ne se faisait pas comme maintenant, où il faut remplir toutes sortes de dossiers et où la commission qui attribue les fonds est censée juger en toute impartialité. Il fallait tout simplement être bien placé dans les petits papiers du gouvernement. Il fallait aller à la saison londonienne, il fallait se faire voir et revoir dans les salons. Et c'est pour ça que Babbage a construit un petit prototype de sa machine analytique. Il s'est acheté une très belle maison à Londres, et puis il a installé sa machine analytique, il a installé des glaces, des bons petits desserts, et il a organisé des grands bals de 200-300 personnes, où il conviait tout le gratin londonien, et entre des discussions, et il semble qu'on allait beaucoup chez lui pour ses sorbets, qui étaient très très bons, et entre de sorbet, il arrivait à caser une démonstration de sa machine analytique et tout le monde disait « Oh, ah, c'est magnifique, c'est merveilleux ». Et Annabella Milbank, qui faisait partie du gratin londonien, y est allée avec sa fille et elle a vu cette machine et elle, en tant que mathématicienne, l'a trouvée fascinante. Elle a dit « On a l'impression d'une machine qui pense ». Et Ada Lovelace est allée plus loin, elle a trouvé cette machine fascinante et elle a demandé des plans à Babbage et elle les a ramenés chez elle pour les étudier. Et là, elle avait 17 ans. Ensuite, elle s'est mariée, elle a fait son devoir conjugal. Elle a appris les mathématiques et quand elle a été à un niveau suffisant, elle a recontacté Babbage. Là, on est en 40 et elle lui dit, 1840. Donc elle a 25 ans. Voilà. Et elle lui dit, voilà, moi je veux me lancer dans une carrière scientifique. Et tout le monde commençait par faire des traductions, aussi bien Somerville que Morgan que Babbage. Quand on voulait commencer à se faire un nom dans la profession, on traduisait des articles des collègues français, italiens ou autres, ou allemands d'ailleurs. Ada parlait avec aisance ces langues-là. Et Babbage lui a dit, eh bien, écoutez, il y a un jeune ingénieur italien, Luigi Menabrea, qui vient d'écrire un article qui me plaît beaucoup. C'est un article écrit en français, hein, c'était la langue véhiculaire scientifique. Cet article me plaît beaucoup. Il l'a fait sur mon moteur à différence. Est-ce que vous auriez la gentillesse de le traduire en anglais? Donc Ada a traduit l'article de Luigi Menabrea, qui d'ailleurs se fera un vrai nom dans les sciences et techniques et qui finira anobli, et qui finira d'ailleurs noyé dans le scandale de Panama, très vieux et tout chargé d'ans et d'honneur. Et donc Ada a traduit son article en anglais, et elle l'a rendu à Babbage, qui lui a dit merci, mais vous n'avez pas mis 2-3 notes, parce que vous connaissez quand même pas mal mon moteur analytique. Et Ada a dit, ah bon, je peux, que n'avait pas dit Babbage. Elle a fait une traduction commentée. Elle a fait une traduction très commentée. Très commentée, puisque son article à elle représente 3 fois l'article de Menabrea. Et c'est ce qui lui vaut de passer à la postérité, puisque cet article comporte la fameuse note G. D'abord, la fameuse note A, où elle à l'intuition de l'informatique, où elle dit, mais cette machine qui manie des chiffres, est-ce qu'elle pourrait pas manier autre chose? Des symboles, par exemple? Elle a pas dit des données, mais elle n'en était pas loin. Est-ce qu'une machine comme ça ne pourrait pas un jour composer des musiques, inventer des nouveaux langages? Et dans la Note G, elle a mis au propre au net son intuition et elle a écrit le premier programme informatique connu au monde. Alors, il y a quelque chose de programmé dans cette émission, Catherine Dufour, c'est le fait qu'on écoute un morceau de musique choisi par l'invité. Oui. Et vous avez choisi un extrait du Don Juan de Mozart. En référence à Byron. Au Don Juan écrit par Byron. Qu'il a écrit après sa séparation avec la mère d'Ada. Exactement. Mai creduto, ma farò quel che potrà, e porella un'altra cena, ma che subito si porti. Padron, siam tutti morti, quando dico. Conversation scientifique, Étienne Klein. Catherine Dufour, cet extrait du Don Juan de Mozart. Alors, revenons à ces notes qu'on pourrait qualifier de Lovelaciennes, mm-hmm. et qu'on trouve dans les commentaires que Ada Lovelace a fait de cette traduction d'un livre, enfin d'un article de Federico Luigi Menebrea. Il y a la fameuse note G que vous avez évoquée. Mm. En quoi mérite-t-elle qu'on dise d'elle quelle est l'invention de ce qui deviendra l'informatique avec... le développement des ordinateurs. Alors, il suffit de la regarder. Elle est longue ? C'est un programme. Non, c'est un gros tableau qui tient, on va dire, sur une feuille A4 ou 2. Alors, globalement, le but d'Ada, c'était d'établir un calcul des nombres de Bernoulli. Alors, les nombres de Bernoulli, c'est des entités mathématiques. La définition est assez simple. Hein. C'est la somme de k puissance m quand k va de 0 à n-1. Voilà, c'est 0 puissance m plus 1 puissance m plus 2 puissance m, etc., jusqu'à n moins 1. Et donc m, c'est le numéro du nombre de Bernoulli. Voilà. Et ce sont des nombres qui ont une utilité, alors qui n'est pas facile à expliquer comme ça, c'est une grande utilité dans l'analyse mathématique. Il ne date pas d'hier, hein, je crois que Bernoulli, c'est 1731. Et il y avait déjà eu une approche... De la sorte un siècle avant, je crois. Et donc, ces nombres de Bernoulli ont leur utilité dans la formule de Euler-Maclaurin, dans la fonction zeta de Riemann, dans une approche... Et puis, ils sont mathématiquement fascinants. Voilà, voilà. C'est des chiffres fascinants. Dans le dernier théorème de Fermat aussi, ils ont leur utilité. Et évidemment, des chiffres comme ça, aussi fascinants, Ada s'est dit, il faut absolument qu'on trouve moyen de les calculer pour prouver que cette machine va pouvoir faire des choses que l'être humain a du mal à, ou n'arrive pas à faire. Donc elle a établi son programme, et ce qui est assez étonnant, c'est que finalement quelqu'un qui programmerait actuellement en C++ et qui se penche sur ce programme va avoir tendance à dire qu'il reconnaît cette syntaxe. C'est parce que Babbage avant Ada avait écrit un certain nombre de diagrammes. Il les appelait comme ça, qu'on pourrait appeler programme, mais qui était beaucoup moins élaboré que cette Node-G de calcul des nombres de Bernoulli. Alors là, il faut quand même revenir un petit peu sur ce qu'est la machine analytique, puisque on a parlé de la machine à différence, la première machine de Babbage, qui faisait des additions, et que vous pouvez voir d'ailleurs dans un musée de Californie. Elle a fini par être construite, cette machine à différence. Elle est assez imposante, hein, c'est un gros buffet Henri II. Mais alors la machine analytique, elle n'a jamais pu être construite, c'est trop compliqué, c'était trop cher, et de plus les pièces étaient toujours mutantes, et Babbage avait toujours un caractère abominable, et elle ferait, si elle était construite, à peu près la taille d'une locomotive. Donc en gros, elle consiste en quoi? La machine analytique, c'est une machine à différence améliorée pour faire non plus seulement des additions, mais absolument toutes les opérations possibles, y compris sur des symboles qui ne sont pas des chiffres, mais qui sont plutôt des données. Donc, vous avez une entrée de données sous forme de cartes perforées. Et là, le principe a été piqué par Babbage aux machines Jacquard. Au milieu, vous avez un moulin qui mouline, The Mill, et puis vous avez une mémoire, et puis The Store, et puis vous avez une sortie de données, l'output. Et Babbage, pour lui, l'output, c'était une imprimante, et cette imprimante devait enfin réussir à imprimer des tables de logarithmes, par exemple, dénuées de toute erreur. Et c'est Ada qui a eu l'intuition que peut-être la machine pourrait servir à des buts plus élevés et plus variés. Elle serait capable d'agir seule d'une certaine façon. Voilà, alors que Babbage la voyait simplement comme une machine à calculer. Comme une machine à calculer, enfin, c'est une table de logarithmes sans erreur qui lui hérissait le poil, alors que Ada a eu vraiment l'intuition que ça pourrait être beaucoup plus. Et elle a dit, cette machine va pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite que l'être humain, donc forcément elle va éclairer des zones que l'être humain n'a pas encore découvertes. Mais elle a dit aussi, par contre, elle sera toujours incapable de créer et d'inventer. Et c'est Turing qui lui a répondu très exactement 100 ans plus tard, hein, dans son article Computing Intelligence, qui est paru en 1950 dans la revue Mind. Turing a répondu, il a intitulé un de ses paragraphes l'objection de Lady Lovelace, en disant, moi je suis persuadé que les machines, en se complexifiant, vont finir par être capables de créer et d'inventer, tout simplement parce que le cerveau humain est capable de créer et d'inventer, et que le cerveau humain n'est finalement qu'une machine très très très complexe. Voir que Turing voyait les êtres humains comme des petits amas de données de couleur rose. Donc il avait une approche très très mathématique du monde entier. Mais est-ce que vous êtes d'accord, Catherine Dufour, pour dire que Babbage, il a reconnu les mérites particuliers d'Ada Lovelace et le fait qu'elle voyait plus loin que lui? Il écrit par exemple, à propos d'Ada, « Cette enchanteresse des nombres a jeté son sort magique autour de la plus abstraite des sciences et l'a saisie avec une force que peu d'intellect masculin, dans notre pays au moins, aurait pu exercer. » Oui, tout à fait. Morgan disait aussi la même chose, c'est qu'elle avait une intelligence puissante, supérieure à celle de Mary Somerville, et qu'elle aurait probablement, si elle avait persévéré, si elle n'était pas morte, obtenu des résultats aussi bons que n'importe quelle femme, et même que n'importe quel homme. Meilleur que... Voilà. Et est-ce qu'elle était consciente de son génie? Ah oui. Alors là, elle repose, parce que aussi bien Mary Somerville que Harriet Martineau, que toutes ces femmes-là, à chaque fois qu'elles font une découverte remarquable, elles s'excusent, elles disent non, vous savez, on n'essaye pas de concurrencer les hommes. Elles dédicacent leurs livres à des femmes en disant, ah, je sais bien qu'une femme ne peut pas enseigner à un homme. Alors avec Ada Lovelace, on a un immense soulagement d'être face à une femme qui est fière de son propre cerveau, à un niveau un peu mégalomane, certes, mais ça fait plaisir. Donc si on en croit les dates qui sont souvent citées, le premier code informatique a été écrit en 1842. Oui. Donc elle avait à cette époque 27 ans. Oui. Et comment s'est passée la suite de l'histoire pour elle ? Malheureusement, les plus belles histoires finissent mal. Donc, elle s'est brouillée avec Babbage. Pour quelle raison ? Comme c'est étonnant. Alors, en fait, elle voulait... Elle trouvait que Babbage était tout brouillon. Alors, c'est vrai que Babbage, comme pas mal de génies, il avait tendance à égarer son chapeau. Et donc, elle lui a dit, écoutez, vous me laissez les rênes et moi, je vous construis votre machine à différence dans les 2-3 ans, mais vous me laissez décider. Babbage a absolument refusé. Donc, ils ont décidé de continuer à travailler ensemble. Mais en fait, le refus de Babbage, c'était une fin de non-recevoir et une fin de leur collaboration. Donc là, elle a perdu son meilleur allié. Il aurait fallu qu'elle puisse s'allier à quelqu'un d'autre parce qu'elle n'avait pas le droit, elle, d'aller dans des bibliothèques pour travailler. Parce qu'elle était une femme interdite. Est-ce qu'elle avait une notoriété publique? Non. Non, non, ça se faisait pas du tout. C'était unladylike. Ça se faisait pas du tout pour une lady d'être connue. Il ne fallait surtout pas chercher la gloire et la notoriété. Raison pour laquelle, d'ailleurs, elle signait de ses initiales et pas de son nom. Ça se faisait pas dans sa société. Mais elle espérait être reconnue par ses pairs. Donc elle a continué à travailler, à réfléchir à des articles, à des traductions. Elle a travaillé pour son mari, qui lui-même a écrit quelques articles, essentiellement agricoles. Et elle a notamment distingué l'utilité de la photographie. La photographie, c'était balbutiant en 1845. Et elle a dit, mais c'est vraiment un outil dont on va pouvoir se servir pour les observations dans les années et les siècles à venir, utilisant la photographie pour la recherche scientifique. Elle a eu comme ça un certain nombre d'intuitions fulminantes. Le souci, c'est que d'abord, son mari a décidé tout d'un coup, on va dire riche d'un héritage, d'aller construire des châteaux à la campagne. Il s'est pris de folie pour le style Tudor et il est allé à la campagne construire un château de style Tudor. Et comme il n'était pas encore à bout de son héritage, il a aussi truffé le village d'à côté de, je ne sais plus, 50 petites maisons de style Tudor. Et donc Ada Lovelace s'est retrouvée à la campagne, ce qui est justement pas très facile pour poursuivre une carrière scientifique. De Morgan, le mathématicien, dès qu'on essayait de l'emmener hors de Londres, loin de ses bibliothèques et de ses cercles scientifiques chéris, il jetait de l'eau bénite en déclarant qu'il n'y avait rien de plus horrible que les vacances. Bon. Donc Ada s'est retrouvée à la campagne avec 3 enfants qui commençaient à devenir adolescents. Elle était aussi, elle était gênée géographiquement pour la poursuite des sciences. Elle a eu aussi un amant, heureusement pour elle. Ça lui a pris un peu de temps et probablement apporté un petit peu de réconfort. Et puis après, elle a été très très gênée aux entournures par la très relative pauvreté dans laquelle elle vivait. Parce que son mari, en l'épousant, avait touché 40 000 livres. Il avait fait un héritage phénoménal. Il avait des rentes remarquables. Mais il se ruinait en maison Tudor. Il n'avait même pas de quoi se payer ni le chauffage ni une salle de bain pour sa femme et ses enfants. Il vivait vraiment dans des conditions assez rêches. Et donc, Ada était toujours sans un centime et ça l'a agacée. D'autant que sa mère elle-même était très riche. Donc, elle était coincée entre deux personnes qui débordaient d'argent et qui lui donnaient vraiment des miettes. Donc, elle a décidé de contourner le problème en se mettant à jouer aux courses. Aux courses de chevaux. Aux courses de chevaux, en essayant d'appliquer des formules mathématiques aux chevaux. Et ça ne marche pas. Les martingales, voilà. Les chevaux avec les bêtes. Et voilà. Et donc, ça a été un échec cruel. Et puis, au moment où elle commençait à perdre beaucoup, elle avait perdu 2 000-3 000 livres à une époque où la richesse commençait à 1 000 livres, quoi. Un ouvrier gagné par an, je pense, 25 livres. Et à ce moment-là, elle avait eu des règles hémorragiques. Et il y a un médecin qui a regardé et qui a dit « Oh, mais ceci est un cancer du col de l'utérus ». Et là, elle est partie pour 1 an et demi de souffrances abominables. Et après sa mort, sa mère a réglé ses dettes de jeu, à savoir 8 000 livres. Donc on peut dire qu'Ada a quand même réussi à extorquer à sa pingre famille la fortune qu'elle estimait. Donc elle est morte à 36 ans, comme son père, Lord Byron. Et comment est-ce que... sa mémoire a été oubliée ou activée dans les décennies qui ont suivi. Il me semble qu'aujourd'hui, on la connaît bien, oui. Y compris en France. Oui. Quand est-ce que son souvenir est devenu vif ? Est-ce que c'est Turing qui a réhabilité sa mémoire ? Non. En fait, c'est de l'importance d'être publié. L'article de Menabrea avec les notes de Babbage ont été publiés dans une revue scientifique prestigieuse. Et les scientifiques, quand ils se lancent dans une nouvelle invention, ils vont d'abord lire tout ce qui s'est fait avant. le salut, finalement, pour Ada est venu du fils de Babbage, qui était persuadé que son père était un gros génie, incompris et méconnu, qui a fabriqué quelques prototypes, quelques morceaux de la machine à différence de la machine analytique, qui a fait des démonstrations dans des universités. Là, on est en 1890-1900. Et puis, ça a plu à personne. Alors, on a rangé tout ça dans divers greniers. Et en 1937, il y a un Harvardien, un très bel homme d'ailleurs, Aiken, qui est monté dans le grenier de Harvard et qui a trouvé les engrenages de Babbage. Il les a descendus dans son bureau et il a lu toute la littérature scientifique existante. Donc il est remonté le temps dans les différentes revues scientifiques et il a trouvé l'article d'Ada. Et il l'a trouvé tellement intéressant d'ailleurs qu'il le lisait à voix haute à ses équipes. C'était un passage obligé. Et il a construit le premier ordinateur, le Mark One, autour de la machine des engrenages de Babbage à l'aide des notes de Ada. Et à partir de ce moment-là, Ada est devenue super célèbre dans le milieu des informaticiens, qui a la mémoire longue. Ça, c'est Grace Hopper, celle qui a programmé le Mark One, qui a dit, c'est Ada qui a inventé le premier programme, je ne l'ai pas oublié et personne ne l'oubliera jamais. Donc au fur et à mesure que l'informatique a pris l'importance qu'on lui connaît actuellement, le nom d'Ada est sorti de l'ombre et est devenu de plus en plus connu. Catherine Dufour, tout à l'heure, vous parliez de Turing, qui fait référence explicitement à Ada Lovelace. Mm-hmm. En quoi son travail est-il dans la continuité de celui qu'avait mené Ada Lovelace? Par exemple, quel est le lien qu'on peut voir entre la machine dite de Turing et puis cette machine analytique de Babbage programmée par Ada? Alors Turing, ce qu'il a fait, mais il n'a pas fait que pour Ada. Ada avait une intuition. Turing, ça a été le grand formalisateur de l'informatique. Voilà. Il a passé son temps à, on va dire, mettre au propre, mettre en clair et mettre au format non plus intuitif, mais analytique. L'intuition d'Ada et aussi un certain nombre d'intuitions, parce que cette idée d'avoir une machine qui calcule plus vite et mieux que l'être humain a quand même traversé le 19e siècle et le 20e siècle. Ce qu'on attendait finalement pour accoucher d'un ordinateur, c'est tout simplement l'invention de l'électricité, quoi. Parce que faire tourner ces machines-là à la manivelle ou à la vapeur, c'est pas bien commode. Et Turing, pour Ada, mais pour toute l'informatique, a été celui qui a mis en norme l'idée de l'informatique. Catherine Dufour, est-ce que vous comprenez comment, à cette époque-là, on peut faire autant de sciences brillantes, être aussi inventif en étant aussi malade? Est-ce qu'elle avait une conception de son esprit qui faisait qu'elle était capable de transcender les misères de son corps? J'ai lu quelque part qu'on peut considérer qu'elle a pensé le corps comme une sorte de machine qui préfigure certaines conceptions qu'on trouve dans les neurosciences. Oui, et c'est amusant parce que là, elle rejoint aussi le travail de Turing, qui a aussi travaillé sur le vivant et qui d'ailleurs on a déduit les formes de Turing et d'autres hypothèses sur la biochimie qui ont été confirmées en 1990. Donc Ada, elle a commencé effectivement à réfléchir sur ce qu'était le concept de l'invention, concept du génie, de l'étincelle créatrice qui tout d'un coup illumine les ténèbres de notre écurie et permet à l'être humain de faire un pas de plus vers la connaissance. Et donc elle s'est dit, mais c'est quand même étrange et dommage qu'on ne puisse pas mettre le génie en équation. Voilà. Et en ça, elle se rapproche de Turing, qui avait envie de mettre absolument tout en équation. Il observait les coquillages en voyant des résonances parmi les stries des coquillages, ceux des choux, ceux des fleurs, ceux des pâquerettes. Et Ada, c'était pareil. Elle ne voyait pas pourquoi la matière cérébrale et donc la capacité d'invention seraient à l'abri des mathématiciens. Et elle disait, la fonction la plus importante pour un génie, c'est l'imagination. C'est à ça qu'on doit toutes les inventions. Il faut absolument la cultiver. Et elle, ce dont elle rêvait, c'était d'arriver à faire le lien entre la science et la poésie. Pour elle, l'imagination, l'invention, c'était de la science poétique. Et ce qu'elle ne savait peut-être pas, ou peut-être qu'elle le savait très bien, mais enfin, on n'avait pas encore inventé Freud à l'époque, c'est qu'elle rêvait tout simplement de faire l'union entre la poésie de son père et les sciences de sa mère, et de recréer, finalement, de réparer ce couple qui s'était cassé. Donc, elle s'est dit, il faut arriver à mettre l'intelligence, le génie, l'invention en équation. Donc elle a commencé à s'intéresser au vivant. Elle a étudié un traité des poisons. Et elle s'est intéressée aussi aux dissections de grenouilles, parce qu'on disséquait des grenouilles et puis on envoyait de l'électricité. Et puis les elle a écrit aussi un traité sur les ailes de volatiles. Oui, ça c'est quand elle avait 12 ans. La flyologie. Elle rêvait d'avions à vapeur. Et elle était un peu comme Eddie Lamar, elle avait toujours un petit carnet avec elle, elle était pleine d'idées. Donc Ada, après avoir rompu avec Babbage, enfin leurs relations sont restées assez formelles, mais n'ont plus travaillé vraiment ensemble sur un projet, elle avait décidé comme d'arriver à mettre l'invention en équation. Et donc elle s'est intéressée à la façon dont le cerveau fonctionnait. Et elle a décidé d'électriser des grenouilles. Elle s'est dit, est-ce que l'électricité n'est pas justement ce lien qui existe entre le muscle et la pensée? Et à ce moment-là, elle a demandé à John Cross, qui était un gentleman of leisure et un bon spécialiste des piles voltaïques, elle lui a demandé, est-ce que vous pourriez m'aider à électriser des grenouilles? Et elle est venue chez lui pour voir comment électriser des grenouilles. Et elle n'a pas poursuivi dans cette direction-là pour différentes raisons. Et d'abord parce que chez Monsieur Andrew Cross, elle est tombée sur John Cross, le fils de la famille, avec qui elle s'est passionnée pour toute autre chose. Donc en fait, elle visait une sorte de science poétique, on pourrait dire les choses comme ça, avec l'idée que les mathématiques doivent pouvoir coloniser évidemment l'univers matériel, mais aussi la psyché quasiment. Oui, alors ça, les mathématiciens, tous les mathématiciens, ceux qui aiment les maths, ceux qui pratiquent les maths, vous le diront. Et c'est pas du tout évident pour ceux qui, pour qui les maths représentent surtout un certain nombre de nuits blanches, de soirs froides et de mauvaises notes. Mais les mathématiques baignent le monde. Les nombres sont partout et les résonances sont partout. Et cette histoire de la résonance, on le trouve aussi chez Baudelaire. Donc il y a un lien qui est extrêmement évident pour moi, entre l'univers mathématique et l'univers poétique. Et on le retrouve, cette même intuition aussi, chez Marie Shelley, qui était de la génération de Byron, donc du père d'Ada, qui était d'ailleurs aussi une amie de Byron. Donc Marie Shelley, en 1816, elle était avec son mari et puis Byron dans une villa, la Villa Diodati, en Suisse. Donc ils s'ennuyaient terriblement, tout simplement parce que 1816, je crois que c'est l'année de l'éruption du Krakatoa, bref, il y a eu un hiver nucléaire, il a plu tout le temps. Pas nucléaire, si, nucléaire. C'est un volcan. Oui, c'est un volcan, vous avez raison. Alors, c'était pas un hiver nucléaire, mais en tout cas, il a fait un temps épouvantable, et c'est connu que l'année 1816 et suivante ont été des... Donc ils passaient leur soirée à inventer des histoires terrible. De fous. Ils passaient leur soirée à inventer des histoires de fous et à prendre de l'opium. Voilà. Et donc en redescendant d'une orgie d'opium, Marie Shelley a eu, en fait pendant, elle a eu un rêve qui est effectivement un jeune scientifique qui pratiquait ce qu'on appelait les arts profanes et non pas les arts sacrés, et qui se penche, et qui faisait se lever une créature. Et c'est à partir de ça qu'elle a inventé son monstre de Frankenstein, qui était aussi une façon poétique d'intégrer les progrès de la science dans notre monde. Et donc ça veut dire que vous seriez presque prête à dire que Ada Lovelace était une sorte de petite sœur de Frankenstein? C'est une petite sœur de Frankenstein, en tout cas clairement avec Marie Shelley, elle baigne dans le même univers. À l'époque, on croyait en la science, mais comme on croyait en Dieu, c'était une espèce de matrice pleine de merveilles et d'horreurs qu'ils voyaient se déployer sous leurs yeux. Ils pataugeaient dedans, ils se trompaient souvent. C'était le bras armé de l'idée de progrès, on pourrait dire. Et c'était le bras armé de l'idée de progrès. On ne savait pas du tout où ça allait nous amener. Maintenant, on a encore quelquefois de ces pulsions imaginatives où on rêve qu'il y aura des intelligences artificielles qui seront plus intelligentes que nous, qui vont peut-être nous manger la naine sur nos dos, ou au contraire faire venir un monde merveilleux. Jusqu'à ce que Yann LeCun, le pape de l'intelligence artificielle, dise pop, pop, pop, pop, on n'y est pas du tout. On n'a même pas aucune idée de la façon dont on pourrait commencer à avancer sur le chemin d'une intelligence artificielle forte. Mais à l'époque, on appelait ça l'ère de l'émerveillement. L'Angleterre du début du 19e siècle, au niveau intellectuel, c'était l'ère de l'émerveillement devant la science. Alors, on dit aujourd'hui que peu de femmes se lancent dans les métiers de l'informatique, peu de femmes codent, comme on dit. Pourtant, on vient de l'expliquer, ce sont des femmes, en tout cas l'une d'entre elles, Ada Lovelace, qui ont mis sur pied ce qui va devenir la programmation informatique. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Ah oui, alors là, il y a un article très bien de Chantal Morlaix qui l'explique. Donc les femmes ont toujours codé. Hein. Les codeuses, au début qu'il y avait les ordinateurs, il y avait le hard, c'est-à-dire la machine, c'était les hommes, et il y avait le soft, c'est-à-dire le codage, c'était les femmes. Y compris à la NASA. Voilà, y compris à la NASA. Voilà. Et puis, petit à petit, ben, l'informatique a commencé à prendre de l'importance. Et puis, dans les années 70, c'est carrément devenu incontournable. Et à ce moment-là, en Angleterre, ils se sont aperçus que, ben, du coup, comme il y avait beaucoup de demandes, les codeuses étaient de mieux en mieux payées. Et il était hors de question de payer des femmes à ce point. Donc, ils ont arrêté d'embaucher des femmes. Et c'était les plus prescripteurs à l'époque. C'était la fonction publique en Angleterre. Donc, et là, ils ont mis un veto sur l'entrée des femmes. Et le nombre des femmes a chuté dramatiquement et est en train de remonter, mais avec difficulté. Vous êtes en train de dire que ça a été carrément organisé ? Oui, bien sûr. Mais regardez pas comme ça, c'est la vérité. C'est horrible, alors, mais faisons, c'est comme ça. C'était le marché du travail au XXe siècle. Faisons une expérience de pensée. Imaginons qu'Ada Lovelace ait été un homme. Oui. À la même époque, dans le même contexte, famille aristocrate, aristocratique. Et en quoi ça aurait changé sa façon de vivre et peut-être ses travaux ? Ah, bah alors ça, c'est une excellente question. Elle serait allée à Cambridge ? Oui, elle serait allée à Cambridge, mais comme ça aurait été un homme, elle aurait pu s'exprimer dans je ne sais trop quelle... elle aurait peut-être couché partout, comme son père, au fait de la poésie, elle aurait pu faire ce qu'elle voulait. Donc elle n'aurait pas eu besoin d'écrire au Dr King en lui disant « qu'est-ce que je fais de mes pulsions ?» et il ne lui aurait peut-être pas conseillé les mathématiques. Ça, on ne sait pas du tout. Mais à mon avis, effectivement, si ça avait été un jeune homme, on l'aurait envoyé en Cambridge, elle aurait étincelé dans les sciences, et puis après, peut-être qu'elle serait allée fonder un haras au Caire, comme sa petite fille, ou est-ce qu'elle serait allée mourir à Missolonghi, ou est-ce qu'elle aurait attrapé la syphilis et elle serait morte à 25 ans et demi d'une paralysie générale. Ça, on ne le sait pas, mais elle aurait eu une vie beaucoup moins sous le boisseau que ce qu'elle a eu. C'était vraiment, pour ces femmes-là, une façon de s'extirper de la futilité et de la bêtise, enfin, ouais, du côté répétitif et peu intellectuel des activités qu'on leur imposait, hein, tout ce qui était mathématique. Ça leur permettait d'échapper à la niaiserie des tâches qu'on leur imposait pour arpenter des sphères quand même plus aérées et plus intéressantes. Mais elle a pu faire des mathématiques et son génie a été reconnu sans qu'elle ait eu besoin de se faire passer pour un homme. Tout à fait. Contrairement à Sophie Germain qui avait pris un nom d'emprunt masculin, Antoine-Auguste Leblanc, pour être lu des grands mathématiciens. Oui. Est-ce qu'il y avait une différence de ce point de vue-là entre la France et l'Angleterre ? Il y a une différence entre la France et l'Angleterre, il y a aussi une grosse différence de classe sociale. Ada Lovelace, elle est vraiment au sommet de la chaîne alimentaire. Hein. Elle va au lever de la reine Victoria. Voilà, donc elle peut faire absolument ce qu'elle veut dans les limites totalement étroites de son milieu. Mais ça aide, je pense, énormément, effectivement. Vous voyez que, par exemple, Émilie du Châtelet, si elle a pu mener la carrière qu'elle a menée et traduire Newton et faire des expériences avec Voltaire, c'est parce qu'elle faisait aussi partie du dessus du panier. Émilie du Châtelet. Et elle aussi devait se déguiser en homme pour aller dans les cafés scientifiques, parce que les cafés scientifiques étaient interdits aux femmes. Mais la France, visiblement, sous ses airs, finalement, moins guindée que l'Angleterre, et était peut-être plus misogyne. Dernière question, Catherine Dufour. Que sont devenus les trois enfants de Ada Lovelace ? Alors, le premier a décidé qu'il détestait sa lorditude. Il ne voulait pas être lord, lui. Il voulait être prolétaire. Et il est allé visser des boulons sur un chantier naval avant de mourir de la tuberculose à 26 ans, au grand désespoir de son père et de sa grand-mère. Et je ne sais vraiment pas ce qu'il est désespéré de plus, si c'était sa unlorditude ou sa mort précoce. Le deuxième garçon a fait Gentleman of Leisure. C'était un homme très lettré. Il n'a pas fait grand-chose de sa vie que d'être très lettré. Ça lui a beaucoup plu. Il avait largement de quoi vivre en ne travaillant pas et il ne s'est pas retenu. Et sa fille, elle, a épousé une espèce de magnifique catastrophe. Il était aussi drogué et débauché que grand-père. Et elle est allée fonder au Caire un élevage de chevaux qui est devenu très célèbre parce que tous les chevaux anglo-normands actuellement existants viennent du Crabet. C'était le nom de ce haras. Et elle a fini par se débarrasser de son mari pénible et elle a fini ses jours dans un verger d'abricotiers du côté du Caire. Tout ça est passionnant. Merci Catherine Dufour. Merci à vous. D'être venue nous parler si brillamment de la vie et de l'œuvre d'Ada Lovelace. Je recommande la lecture de votre livre « Ada ou la beauté des nombres ». C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Pierrick Charles et à la réalisation Delphine Lemaire. «